original style, you know. So yeah, man. Bullet fever. Yeah, man. Yes. Original, tu as la guitare, woo. No man, scene. C'était Sarre Professor. Low. Yeah, man. Mais qu'est-ce qui se passe ce vendredi? Sur la mixtape de Redeem Village. Yeah, no man, pas de problème. Yes, man, parce qu'on se bat, on se bat contre les mauvaises choses. Tout ce qui est mauvais, comme le nucléaire, le chimique, le béton, la fumée, j'arrête pas de le répéter. Yeah! Alors c'est pour ça qu'on prend une guitare, on prend un micro et on vient s'exprimer. Ouais. C'est encore plus fort que de venir tout bousiller, d'aller dans un pays et tout fracasser. Yes, man. Pour ramasser de la monnaie, man. Yeah, man, arrête. Prends le temps, parler au nom de la nature, de la terre, c'est notre mère. Ok. Yeah, man, la nature, boy. Ja natural, me afi talking about. Alors écoute ça. Yeah, la nature, man. C'est elle qui nous a créés. À mes yeux, c'est pour ça qu'il faut la respecter. Yeah.